19-19, activation, dictée, passé composé. Auxiliaire, avoir et être. Écoutez et écrivez les formes de l'auxiliaire être ou de l'auxiliaire avoir. 1. Robert est arrivé en France il y a 2 jours. 2. Il est descendu dans un petit hôtel du quartier latin. 3. Le lendemain, il est allé explorer le quartier. 4. Il a vu des manifestants. 5. Ces manifestants sont entrés dans la cour de la Sorbonne. 6. Robert les a suivis. 7. Il est entré avec eux dans la cour de la Sorbonne. 8. Il y a rencontré une étudiante qui lui a tout de suite plu. 9. Il lui a souri. 10. Elle lui a rendu son sourire. 11. Ils ont parlé ensemble un moment. 12. Puis, ils sont allés au jardin du Luxembourg. 13. Puis, la jeune fille est partie soudainement. 14. Robert est resté seul sur son banc. 15. Un peu plus tard, il est allé prendre un café place Saint-Michel. 16. Il a écrit une carte postale à sa mère.